Les Essais de Montaigne. Traduction par Monsieur Guy de Pernon. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Livre premier, chapitre 19. Philosopher, c'est apprendre à mourir. 1. Cicéron dit que philosopher n'est autre chose que de se préparer à la mort. C'est qu'en effet, l'étude et la contemplation retirent en quelque sorte notre âme en dehors de nous, et l'occupent à part de notre corps, ce qui constitue une sorte d'apprentissage de la mort et offre une certaine ressemblance avec elle. C'est aussi que toute la sagesse et le raisonnement du monde se concentrent en ce point, nous apprendre à ne pas craindre de mourir. 2. En vérité, ou la raison se moque de nous, ou bien elle ne doit viser qu'à notre contentement, et tout son travail doit tendre en somme à nous faire bien vivre et vivre à notre aise, comme il est dit dans la Sainte Écriture. Toutes les conceptions que l'on peut se faire du monde en arrivent là. Le plaisir est notre but, même si les moyens d'y parvenir peuvent être divers, sinon on les repousserait aussitôt. Car enfin, qui écouterait celui qui se proposerait comme objectif notre peine et notre mal-être ? 3. Les dissensions entre les sectes philosophiques là-dessus sont purement verbales. Passons vite sur ces subtiles frivolités. Sénèque. Il y a plus d'acharnement et d'agacerie qu'il ne convient à une aussi noble profession. Mais quel que soit le personnage que l'homme s'efforce de jouer, il joue toujours aussi le sien propre en même temps. Quoi qu'ils en disent, dans la vertu même, le but ultime de notre démarche, c'est la volupté. Il me plaît de leur rebattre les oreilles avec ce mot qui les contrarie si fort. S'il signifie quelque plaisir suprême et contentement excessif, il s'obtient mieux par le secours de la vertu que par nul autre. 4. Si elle est plus gaillarde, nerveuse, robuste et virile, cette volupté n'en est véritablement que plus voluptueuse, et nous aurions dû la nommer plaisir, mot plus favorable, plus naturel et plus doux, plutôt que d'employer à son propos celui d'une vigueur, la vertu, comme nous l'avons fait. 5. Si cette volupté inférieure avait mérité ce beau nom de plaisir, cela n'aurait pas été le résultat d'un privilège, mais d'une concurrence, car je lui trouve plus d'inconvénients et de difficultés qu'à la vertu. Outre que son goût est plus momentané, plus mouvant et plus fragile, il a ses veilles, ses jeûnes, ses travaux, elle implique la sueur et le sang, sans oublier des souffrances aiguës de toutes sortes, avec à ses côtés une satiété si lourde qu'elle équivaut à une pénitence. 6. Nous avons grand tort de penser que les incommodités du plaisir servent d'aiguillon et de condiment à sa douceur, comme on voit dans la nature que le contraire se vivifie par son contraire, et de dire à propos de la vertu que les mêmes conséquences et difficultés l'accablent, la rendent austère et inaccessible. Car dans le cas de la vertu, bien mieux que dans le cas de la volupté, ces difficultés ennoblissent, aiguisent et rehaussent le plaisir divin et parfait qu'elle nous procure. 7. Celui qui met en balance son coût avec son profit est indigne de fréquenter la vertu. Il n'en connaît ni les charmes ni le bon usage. Ceux qui vous disent que sa quête est difficile et laborieuse, et sa jouissance agréable, que nous disent-ils en fait, sinon qu'elle est toujours désagréable ? Car par quels moyens humains est-on jamais parvenu à sa jouissance ? Les plus parfaits se seraient contentés d'y aspirer et de l'approcher sans la posséder. 8. Mais non, ils se trompent. Car de tous les plaisirs que nous connaissons, la poursuite même de celui-ci est plaisante. La qualité d'une entreprise est en rapport avec la qualité de l'objet poursuivi. Cette qualité constitue une bonne partie de l'effet recherché. Elle est de la même nature que lui. Le bonheur et la béatitude qui brillent dans la vertu remplissent toutes ses dépendances et les avenues qui y conduisent, de la première entrée à son ultime barrière. Or, l'un des principaux bienfaits de la vertu, c'est le mépris de la mort, qui donne à notre vie une douce tranquillité et nous en donne le goût pur et attachant, sans quoi toute autre volupté est fade. 9. Voilà pourquoi c'est sur ce mépris de la mort que se rencontrent et viennent converger toutes les règles morales. et bien qu'elles nous conduisent toutes aussi d'un commun accord à mépriser la douleur, la pauvreté et autres inconvénients auxquels la vie humaine est exposée, ce n'est pas un souci de même ordre. Ces inconvénients ne sont pas inéluctables. La plupart des hommes passent leur vie sans être confrontés à la pauvreté. D'autres ne connaîtront jamais la douleur et la maladie, comme Xénophile, le musicien, qui vécut 106 ans en parfaite santé, et qu'après tout, au pis-aller, la mort peut mettre fin et couper court, quand il nous plaira, à tous nos malheurs. La mort, elle, est inévitable. Nous sommes tous poussés vers le même endroit. Notre sort à tous est agité dans l'urne. Tôt ou tard, il en sortira pour nous faire monter dans la barque de Caron, vers la mort éternelle. Horace, 10. Et par conséquent, si elle nous fait peur, c'est un sujet de tourment continuel qu'on ne peut soulager d'aucune façon. Il n'est pas d'endroit où elle ne puisse nous rejoindre. Nous pouvons tourner la tête sans cesse d'un côté et de l'autre, comme en pays suspect. C'est le rocher qui est toujours suspendu sur la tête de Tantale. Cicéron, 11. Nos parlements renvoient souvent les criminels sur le lieu de leur crime pour y être exécutés. Durant le voyage, promenez-les par de belles maisons, qu'ils fassent bonne chère autant qu'il vous plaira. Les mets exquis de Sicile n'auront pas de saveur pour lui, ni les chants d'oiseaux, ni la cithare ne pourront lui rendre le sommeil. Horace. 12. Pensez-vous qu'ils puissent s'en réjouir et que le but ultime de leur voyage leur étant constamment présent devant les yeux, ne leur ait altéré et affadi le goût pour tous ces agréments? Ils s'enquièrent du chemin, comptent les jours, mesurent sa vie à la longueur de la route, tourmentés par l'idée du supplice qui l'attend. Claudien, 13. Le but de notre chemin, c'est la mort, c'est l'objet inéluctable de notre destinée. Si elle nous effraie, comment faire un pas en avant sans être pris de fièvre? Le remède du vulgaire, c'est de ne pas y penser. Mais de quelle stupidité de brute peut lui venir un aveuglement aussi grossier? C'est brider l'âne par la queue. Lui qui s'est mis dans la tête d'avancer à reculons. Lucrèce, 14. Ce n'est pas étonnant qu'il ait si souvent pris au piège. On fait peur aux gens rien qu'en appelant la mort par son nom, et la plupart se signent en l'entendant comme s'il s'agissait du nom du diable. Et parce qu'il figure dans les testaments, ils ne risquent pas d'y mettre la main avant que le médecin ne leur ait signifié leur fin imminente. Et Dieu sait alors, entre la douleur et la frayeur, de quel bon jugement il vous l'affuble. 15. Parce que cette syllabe frappait trop durement leurs oreilles et que ce mot leur semblait malvenu, les Romains avaient appris à l'adoucir ou à le délayer en périphrase. Au lieu de dire « il est mort », ils disent « il a cessé de vivre » ou encore « il a vécu ». Pourvu que ce soit le mot « vie » qu'ils emploient, fût-elle passée, ils sont rassurés. Nous en avons tiré notre expression « feu maître Jean ». 16. Mais peut-être que, comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Je suis né entre 11h et midi, le dernier jour de février 1533, comme nous comptons maintenant en commençant l'année en janvier. Il n'y a que 15 jours tout juste que j'ai dépassé les 39 ans. Et il m'en faut pour le moins encore autant, ce serait de la folie que de s'embarrasser dès maintenant en pensant à des choses aussi éloignées. Mais quoi? Les jeunes et les vieux abandonnent la vie de la même façon. Nul n'en sort autrement que s'il venait d'y entrer à l'instant. Ajoutez à cela qu'il n'est pas un homme, si décrépit soit-il, qui ne pense avoir encore 20 ans devant lui, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de Mathusalem. Et de plus, pauvre fou que tu es, qui t'a fixé le terme de ta vie? Tu te fondes sur ce que disent les médecins. Regarde plutôt la réalité et l'expérience. Les choses étant ce qu'elles sont, c'est déjà une chance extraordinaire que tu sois en vie. 17. Tu as déjà dépassé le terme habituel de la vie. La preuve, compte parmi ceux que tu connais combien sont morts avant ton âge. Ils sont plus nombreux que ceux qui l'ont dépassé. Et parmi ceux dont la vie a été distinguée par la renommée, fais-en la liste. Je gagerais bien d'en trouver plus qui sont morts avant qu'après 35 ans. Il est raisonnable et pieux de se fonder sur l'humanité même de Jésus-Christ. Et sa vie s'est achevée à 33 ans. Le plus grand des hommes, mais simplement homme, Alexandre, mourut aussi à cet âge-là. 18. Combien la mort a-t-elle de façons de nous surprendre? Contre le danger à éviter, Jamais on ne se garde suffisamment à toute heure. Horace. Je laisse à part les fièvres et les pleurésies. Qui eût jamais pensé qu'un duc de Bretagne dût être étouffé par la foule, comme fut celui-là, à l'arrivée du pape Clément, mon voisin, à Lyon? N'a-t-on pas vu un de nos rois tué en prenant part à un jeu? Et un de ses ancêtres ne mourut-il pas, renversé par un pourceau? Échille, menacé par la chute d'une maison, a beau se tenir au dehors, le voilà assommé par la carapace d'une tortue tombée des pattes d'un aigle au-dessus de lui. Cet autre mourut à cause d'un grain de raisin, un empereur d'une égratignure de peigne, alors qu'il se coiffait. Emilius Lepidus mourut pour avoir heurté du pied le seuil de sa maison, à Aufidius pour s'être cogné en entrant contre la porte de la chambre du conseil. 19. Quant à ceux qui moururent entre les cuisses des femmes, on peut citer Cornelius Gallus, prêteur, Tigillinus, capitaine du guet à Rome, Ludovic, fils de Guy de Gonzague, marquis de Mantoue, pire encore, Spesippe, philosophe platonicien et l'un de nos papes. Le pauvre Bébius, juge, venait de donner un délai de 8 jours à un plaignant. Le voilà mort, son délai de vie, à lui, étant expiré aussi. Caius Iulius, médecin, soignait les yeux d'un patient. Voilà la mort qui clôt les siens. 20. Et si je dois me mêler à cela, voici ce qui arriva à l'un de mes frères, le capitaine Saint-Martin, âgé de 23 ans, qui avait déjà donné des preuves de sa valeur. En jouant à la paume, il reçut la balle un peu au-dessus de l'oreille droite, sans qu'il y eût aucune trace de contusion ni de blessure. Il ne prit pas la peine de s'asseoir ni de se reposer, mais 5 ou 6 heures plus tard, il mourut d'une apoplexie que ce coup lui avait causée. Avec ces exemples si fréquents et si ordinaires qui nous passent devant les yeux, comment serait-il possible de ne pas penser à la mort au point qu'elle semble nous prendre sans cesse par le collet? 21. Qu'importe, me direz-vous, la façon dont cela se fera, du moment qu'on ne s'en soucie pas. Je suis de cet avis, et quelle que soit la façon dont on puisse se mettre à l'abri de ses coups, fût-ce en prenant l'apparence d'un veau, je ne suis pas homme à reculer. Car il me suffit de passer mes jours à mon aise, et le meilleur jeu que je puisse me donner, je le prends, si peu glorieux et si peu exemplaire que je vous semble. J'aimerais mieux passer pour un fou, un incapable, si mes défauts me plaisent ou me font illusion, que d'être sage et d'enragé. Horace. 22. Mais c'est une folie que de penser y parvenir par là. Les gens vont et viennent, courent, dansent, et de la mort, nulle nouvelle. Tout cela est beau, mais quand elle arrive, pour eux ou pour leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, les prenant à l'improviste et sans défense, quel tourment, quel cri, quelle rage et quel désespoir les accablent. Avez-vous jamais vu quelqu'un d'aussi humilié, d'aussi changé, d'aussi confus? Il faut se préparer à cela bien plus tôt. Car, pour une telle insouciance, qui est proprement celle des bêtes, si toutefois elle pouvait s'installer dans la tête d'un homme sensé, ce qui me semble tout à fait impossible, le prix à payer serait bien trop élevé. 23. S'il s'agissait d'un ennemi que l'on puisse éviter, je conseillerais d'employer les armes de la couardise. Mais puisque c'est impossible, puisqu'il vous attrape aussi bien que vous soyez un poltron qui s'enfuit ou un homme d'honneur, certes, il poursuit le lâche qui fuit et n'épargne pas les jarrets ni le dos d'une jeunesse sans courage, et comme nulle cuirasse d'acier trempé ne vous protège, il a beau se cacher prudemment sous le fer et le bronze, la mort fera bientôt sortir cette tête, pourtant si protégée. Properse, Horace. 24. Apprenons à soutenir de pied ferme cet ennemi et à le combattre, et pour commencer, pour lui enlever son plus grand avantage contre nous, prenons une voie tout à fait contraire à celle que l'on prend couramment. Ôtons-lui son étrangeté, pratiquons-le, accoutumons-nous à lui, n'ayons rien d'aussi souvent en tête que la mort, à chaque instant que notre imagination se la représente, et mettons-la sur tous les visages. Quand un cheval fait un écart, quand une tuile tombe d'un toit, à la moindre piqûre d'épingle, répétons-nous, « Eh bien, et si c'était la mort elle-même ? » Et là-dessus, raidissons-nous, faisons un effort sur nous-mêmes. 25. au beau milieu des fêtes et des plaisirs, ayons toujours en tête ce refrain qui nous fasse nous souvenir de notre condition, et ne nous laissons pas emporter si fort par le plaisir que ne nous revienne en mémoire de combien de façons cette allégresse est minée par la mort, et par combien d'endroits elle en est menacée. Ainsi faisaient les Égyptiens quand, au beau milieu de leurs festins et de la meilleure chair, ils faisaient apporter le squelette d'un homme pour servir d'avertissement aux convives. Imagine-toi que chaque jour est pour toi le dernier, et tu seras comblé par chaque heure que tu n'espérais pas. Horace. 26. Puisque nous ne savons pas où la mort nous attend, attendons-la partout. Envisager la mort, c'est envisager la liberté. Qui a appris à mourir s'est affranchi de l'esclavage. Il n'y a rien de mal dans la vie pour celui qui a bien compris qu'en être privé n'est pas un mal. Savoir mourir nous affranchit de toute suggestion ou contrainte. Paul-Émile répondit à celui que le misérable roi de Macédoine, son prisonnier, lui envoyait pour le prier de ne pas le faire défiler dans son triomphe. Qu'il s'en fasse la requête à lui-même. 27. À vrai dire, en toute chose, si la nature n'y met un peu du sien, il y a peu de chances pour que l'art et l'habileté puissent aller bien loin. Je suis moi-même, non d'humeur noire, mais plutôt songe creux. Il n'est rien dans quoi je me sois toujours plus entretenu que l'idée de la mort, et même à l'époque la plus légère de mon existence, quand ma vie dans sa fleur jouissait de son printemps. Catulle. Au milieu des dames et des jeux, on me croyait occupé à digérer par-devers moi quelque jalousie ou l'incertitude de quelque espérance, alors que je songeais à je ne sais qui, surpris les jours précédents par une forte fièvre et à sa fin, au sortir d'une fête semblable à celle-là, la tête pleine d'oisiveté, d'amour et du bon temps passé, comme moi, et que cela me pendait au nez, à moi aussi. Bientôt le présent sera passé, et jamais plus nous ne pourrons le rappeler. Lucrèce.